Histoire incroyable, invraisemblable. Johnny Football, Johnny Manziel a été libéré par les Alouettes de Montréal. En fait, c'est la Ligue canadienne de football qui a demandé aux Alouettes de libérer Johnny Manziel. Semble-t-il qu'il aurait pas respecté toutes les ententes qu'il avait prises avec le commissaire de la Ligue canadienne de football. On en parle avec notre collaborateur des Alouettes, Pascal Masson. Salut Pascal. Salut Danny. Pascal, quel joke. Je me dis, on en parlait avant de rentrer en onde, là. On dit tout le temps quelle farce de plus gros qui va nous emmener. Mais là, c'est encore plus gros. Là. On savait tous que le gars, c'était un danger. C'était un certain danger. Mais par contre, on était content. On était content de le voir arriver. On en rappelle, l'année passée, on a fait plusieurs entraînements ensemble là-dessus. On disait, on l'a payé extrêmement cher, mais à quelque part, ça va mettre un intérêt pour les Alouettes. Mais là, on l'a payé très cher, puis il a même pas fini son contrat, puis il est déjà parti. C'est incroyable. C'est comme incompétence, là. C'est pas mieux que ça, là. Ben, écoute, Danny, je peux pas être plus en accord avec toi, là. C'est une déception majeure pour l'organisation, pour les fans. Puis, tu me demandais, est-ce que c'est la goutte qui fait déborder le vase? Moi, je pense que c'est un vase sans fin. C'est un vase avec un trou sans fond. Mm. Parce que les gouttes qui ont fait déborder le vase auraient dû arriver il y a plusieurs fois avant ça. Mais celle-là, je veux dire, on vient de remplir un deuxième vase. Là. C'est incroyable ce qui vient d'arriver. Ça en est pathétique. Non, puis on sait même pas, hier, semble-t-il que je l'ai pas écouté en direct, mais Didier, mais juste qu'un de tes collègues à RDS qui mentionnait, qui a posé la question, il y avait déjà des rumeurs, je savais déjà qu'à Hamilton, il faisait la fête, mm-hmm. il respectait mm-hmm. plus ou moins, Didier, mais juste ça savait, là, il respectait de plus ou moins les coéquipiers, puis ainsi de suite, puis on y a touché pareil. Mais tu sais, je souligne la performance de Didier Ormejus lors de la conférence de presse, parce qu'il n'a pas été avec le dos de la cuillère. Il était avec les vraies questions. Il a insisté sur des questions que Kevin Reed essayait d'être politique là, dans ses réponses. Mais il a effectivement souligné le point qu'il y avait plusieurs rumeurs que Johnny Manziel était sur le party à Hamilton. Et Kevin Reed de répondre que 99% des joueurs dans la Ligue canadienne dans les canadiennes ont un train de vie festif. Donc, c'est pas vrai que 99% des joueurs dans la Ligue canadienne sont sur le party, là. On s'entend, là. On célèbre des victoires ou, on a une vie sociale dans la Ligue canadienne, mais c'est pas dire qu'on est sur la go là, à chaque semaine. Puis Johnny Manziel avait déjà cette réputation-là, avait une problématique avec la relation avec la consommation, etc. Donc, dans ces temps-là, on peut pas juste comme penser qu'on va prendre une chance avec quelqu'un qui a une problématique, un antécédent, et dire « Ah, on a entendu des rumeurs, mais c'est pas grave, on va prendre cette chance-là. » Non, tu peux pas prendre cette chance-là avec une personne qui a déjà eu plusieurs problèmes majeurs. Là. Ouais. Tu peux prendre une chance. Les Patriotes de la Nouvelle-Angleterre vont prendre une chance, mais tu donnes avec pas, des joueurs tu vides pas ton club. Des agents libres. Mais tu vides pas ton club, c'est ça la fin. Non, c'est ça, tu vides pas ton club avec un risque aussi élevé. Et là, en plus, on apprend la clause et la condition qu'il y avait. Je veux dire, c'est impensable d'avoir pris ce risque-là. Et on en a parlé hors d'onde. Mais tu sais, on l'a vu dans la NHL avec l'échange de Matt Duchene, où que si le club le re-signe pas, les Sénateurs vont reprendre leur choix de première ronde. Pourquoi qu'on n'a pas essayé de dealer un contrat de la sorte? Dire, écoute, si ça marche pas, on reprend nos choix au repêchage. Vous garderez les joueurs, déjà des joueurs trop élevés pour ce qu'on vous a donné, vous les garderez, mais on reprend nos choix. Je veux dire, c'est une gestion des ligues, même pas mineure. C'est très triste aujourd'hui, encore une fois. Pascal, on sait tous que Kevin Sullivan, moi, ça fait 35 ans là, que je suis le, pas loin de 40 ans que je suis le sport. J'ai jamais vu un DG, tout sport professionnel, puis j'en suis des sports, là, tout sport professionnel confondu, là, aussi incompétent. Mais est-ce que ceux-là qui sont en haut de Kevin Sullivan sont aussi compétents ou encore plus incompétents de tolérer l'incompétence? Ben. C'est, on sait tous pourquoi il est là. C'est une question d'argent. Ça vient ensemble, là. Ouais. Je veux dire le directeur général vient avec les propriétaires, là. Ben oui. Tu sais, je veux dire, c'est Cable Street, parce que c'est Cable Street qui va devant les journalistes, puis qu'on voit, qu'on entend parler, puis qu'on voit, mais je veux dire, ça vient ensemble, là. C'est clair que les propriétaires du club, c'est aussi triste que Cable Street, là. Pour moi, c'est qu'un, toute cette gang-là. Là. Et ça commence par en haut, ça commence par les Whitten Hall, quelque part. Là. Tu peux pas. On sait tous pourquoi Kevin Sweet est encore là, semble-t-il, c'est une question d'argent. Et c'est ça, mais à un moment donné, il faut que tu passes par-dessus ça, puis que. Parce que là, ça va te coûter plus cher encore. Plus tu le tolères là, plus ça va te coûter cher. Tu sais, les gens ont déjà plus confiance. J'aimerais ça que savoir la vente de billets de saison, comment ça va. Tu sais, c'est. J'aimerais bien ça voir aussi. T'sais, j'aimerais bien ça voir comment que ça va, parce qu'à quelque part, il faut que tu vendes de l'espoir. Puis là, c'est autre chose, c'est une autre chose. Le cas de Johnny Manziel, c'est une autre chose. Mais tu t'es même pas protégé. On vient de passer de la liste du marché des joueurs autonomes. C'est sûr qu'on ne sait pas si on l'aurait été capable de l'avoir, ça c'est une autre chose, là, si les joueurs veulent venir jouer à Montréal. Mais tu sais, je pense pas que Bolivar Mitchell et Mike Riley seraient venus à Montréal, c'est des gars de l'Ouest. Ça. Mais tu sais, t'as un Trevor Harris que tu aurais été capable d'attirer. Un Jason Jennings, au moins, qui peut... Mais là... Ben, un moment donné, on a entendu que les Alouettes étaient peut-être à la chasse à Jennings, justement. Ouais. Et puis là, moi, à ce moment-là, je me suis dit, mais là, attendez une minute, là, j'essayais de comprendre, parce que j'adore Jennings, puis être à la recherche d'un carrière, j'aurais effectivement tenté d'aller l'amener chez nous. Sauf que là, je me disais, tu sais, c'était pas mieux d'amener un Jennings à la maison si t'as Johnny Manziel pour qui t'as donné. Tu sais, ouais. De le libérer ou de le mettre sur le banc, pour moi, c'est un peu la même conséquence à l'échange, là. Tu comprends, je veux dire? Tu sais, le fait d'avoir donné autant pour Manziel, puis on s'en était parlé plusieurs fois, fallait dire que c'était notre carrière. De le cœur de notre organisation, un peu de franchise, et dire j'ai tout misé sur lui, je vais tout faire pour le mettre sur le terrain et etc. Sauf que là, en tout cas, ça en est presque une comédie. Là. Non, c'est ridicule. Puis tu sais, hier, Bruno Eppel, j'écoutais au 98.5 Bruno, tu sais, l'échange de Patrick Lavoie, puis en fin de saison, il était chez Stafford. T'sais, Patrick Lavoie, ça va être un partant ça, l'an prochain, puis les deux joueurs qui ont donné à Saskatchewan, tandis que l'autre était déjà libéré. C'est pas rien que ce cas-là, c'est un paquet d'erreurs. Mais là, je reviens sur Menzel, là. Penses-tu que le propriétaire... Ouais, les Whitten Hall, quand ils ont vu ça, parce que certainement que ça a été cautionné, cette transaction-là, de Johnny Manziel, parce que quand tu vis le club pour Johnny Manziel, penses-tu qu'il y a eu la possibilité? Parce que rappelle-toi, là, l'année passée, là, Pascal, quand on a fait cet échange-là, on était toutes les deux, on a dit on a payé cher, mais à quelque part, on comprend l'échange parce qu'on s'en allait vers un sentiment un sentiment d'indifférence. Puis ça, il n'y a rien de pire que ça, un sentiment d'indifférence pour le club. Ouais. Là, tu vas chercher Johnny Manziel, tu as vu l'engouement. Même, tout le monde savait qu'elle payait cher, mais tu as vu un certain engouement. Est-ce que tu penses que les Whitten Hall ont pensé à ça plus que le risque qu'ils prenaient? On a essayé de guérir une coupure qui aurait dû avoir des points de suture avec un plaster pour enfants, là, tu sais, dans le sens que on a pensé à pas seulement à court terme, mais à ultra court terme. Ouais. Et puis je dois avouer que oui, effectivement, on s'était dit qu'on trouvait que c'était payé cher, mais à ce moment-là, ça prenait quelque chose de gros, comme un peu comme ça, sauf qu'à ce moment-là, nous, on n'était pas au fait de toutes les conditions et de tout ce qui pouvait être la réalité de cette situation-là. Et on se retrouve exactement où on est aujourd'hui à cause de ces décisions-là. Donc, c'est difficile de comprendre maintenant la théorie derrière l'échange. Voilà, c'est incroyable. Parce que quand on dit là, deux choix de première ronde, et comme tu sais très bien comme moi que les gens disent oui, mais repêcher un football canadien, non, c'est très gros un choix de première ronde au Canada. Parce que les joueurs canadiens avec ton quota, c'est très important. Là. Puis, pas juste ça, t'avais cédé également Jamal Westerman, qui était probablement le meilleur joueur défensif, puis Chris Williams. Mais tu sais, c'est parce que non seulement c'est gros un choix de première ronde au Canada, c'est parce que si on, mettons qu'on compare dans la NFL, là, dans la NFL, là, ton choix de deuxième, troisième et même souvent quatrième ronde va avoir un impact immédiat sur l'équipe. Ouais. OK? Compte tenu du nombre de talents. Dans la CFL, là, ton choix de troisième, quatrième ronde, là, souvent a pas et peu d'impact sur l'équipe. Mm. C'est ton choix de première ronde, mais parfois ton choix de deuxième ronde. Mm. Il va y en avoir des surprises. Là. Je ne mets pas tous les joueurs dans le même bateau, là, qu'on s'entende là-dessus. Sauf que ton choix de première ronde, mais souvent, peut être ton seul joueur dans le repêchage qui va avoir un impact sur ton équipe. Mm. Donc, oui, il est très important. Puis c'est le ratio canadien. Ouais. Parce que tes joueurs recrues d'impact, il faut aller les chercher aux États-Unis, les Américains qui vont être en mesure d'être partants immédiatement. Bon, ça, toutes les équipes fonctionnent de cette façon-là. Mm. Ton joueur canadien qui va être partant, ça va être le joueur de ligne que tu repêches en première ronde. Ça va être le demi-défensif que tu repêches en première ronde. Ça va être, on s'entend, là. C'est, ouais. c'est très important. C'est là que tu bâtis ton avenir. Donc là, on se retrouve pas d'avenir. En plus de pas avoir de club, on se retrouve pas d'avenir. Oui, effectivement. Là, Kyrus Reed s'est dit très confortable avec la position de Corriez. Le problème, c'est que tu as 4 numéro 2. Non, mais c'est Anthony Pittman. C'est n'importe quoi. Il peut pas être très confortable avec la position de Corriez. C'est ça que je te dis. Puis Didier Ormégius lui a dit. Puis moi, j'ai bien aimé cette question-là. Il lui dit que, OK, vous dites que vous êtes très confortable avec la position de Corriez, même très confiant. Pourtant, c'est exactement les mêmes carrières que vous aviez lorsque vous êtes allé chercher Johnny Manziel. Ouais. Et là, lui a répondu, c'est faux. Pipkins n'était pas dans l'équipe quand on est allé chercher Johnny Manziel. Il dit non, il était au camp d'entraînement pourtant. Oui, puis il a pas fait les performances pour rester dans l'équipe. Puis là, tu me dis que tu es très confortable avec les carrières que tu as. Donc, tu es allé chercher Pipkins que tu avais coupé au camp d'entraînement. Donc, c'est encore pire, là, tu sais, on s'entend. Puis Johnny Pipkins, tu sais, pas Johnny, mais Pipkins a fait des belles choses là, par la suite avec l'équipe qu'on avait, mais tu peux pas dire devant tout le monde, t'es très confiant avec la position de carrière. Mmh. À la limite, dis, notre objectif, c'est de développer le prochain carrière. Mmh. Oui, effectivement, en ce moment, il va y avoir une bataille parce qu'on a 4 deuxièmes carrières. Il y en a un de ceux-là qui devra être partant, puis qui devra être en mesure de prendre les devants et qu'on va travailler sur son développement à cette carrière-là. C'est ça qu'il faut que tu dises. Tu peux pas dire que tu es très confiant puis qu'on a carrière numéro un. C'est pas ça, c'est pas la réalité, tout le monde le sait. Donc, c'est un peu nous mentir en pleine face, ben, de toute façon, un peu comme il fait depuis le début. Non, effectivement. Pour Johnny Manziel, ça veut dire quoi, la fin des émissions? Moi, je pense que lui a dit qu'il voulait jouer aux États-Unis. Alors, si on savait, moi, je savais tout qu'il allait jouer dans la XFL et qu'il s'en allait vers la XFL. De toute façon, moi, j'étais convaincu que c'était sa dernière année à Montréal. Même avant ça, je le voyais dans la XFL. Mais là, ce qu'on apprend, c'est que apparemment que lui, Vince McMahon, ne veut pas avoir de joueurs qui ont un casier criminel dans sa ligue. Sauf que je pense que Johnny Manziel est un nom pareil aux États-Unis, donc je ne serais pas surpris de le voir dans la XFL. Toi, comment tu vois ça? Il ne sera pas dans la Alliance Football League, ça c'est sûr et certain. C'est sûr que si deux organisations de la Ligue canadienne ont pris le risque sur Johnny Manziel, j'aurais de la misère à croire qu'il n'y a pas une organisation de la XFL ou de l'Alliance Football qui va prendre une chance. Ça reste un nom pareil. C'est un nom pour une ligue qui va débuter, c'est quand même non. Non, ça n'enlève pas. Faut se souvenir que quand on a mis la main sur Johnny Manziel, moi, mon sentiment était quand même positif dans le sens que je croyais en ce joueur-là. Tu sais, je veux dire, les choses qu'il a faites au college lui ont permis d'être un carrière 4 de première ronde dans la NFL. Bon, tu vas me dire, c'est les Browns qui l'ont repêché. Que si les Browns n'avaient pas repêché, il n'aurait pas été repêché en première ronde, probablement, oui. Mais n'empêche que c'est un des plus petits carrières qui a été repêché dans la NFL. Mais c'est un gars qui improvise trop pour la NFL. Non, que... mais ben, c'est, je veux dire, il y a un talent exceptionnel. Donc, ça, c'est pour ça que je crois qu'il y a une équipe qui va tenter probablement la chance sur le joueur. Sauf que là, il a joué combien de matchs dans CFL, là? Pas beaucoup, là. Et, je veux dire, son game shape, il est comment, là? Pas sûr que moi, quand il est parti de Montréal, il est allé s'entraîner, puis il s'est mis... je ne connais pas son train-train quotidien, là, mais ça serait intéressant. C'est pas sérieux, c'est ce qu'on a entendu. Hey, Pascal, ça fait longtemps que je ne t'ai pas parlé. Je veux te parler de la nomination de Bob Slowick. Ça, c'est une autre affaire, ça, comme coordonnateur à la défensive. Le gars ne connaît pas la Ligue canadienne de football. Le gars, c'est depuis 2013 qu'il est chez eux, puis c'est lui qui va être coordonnateur à la défensive. C'est une autre décision vraiment pathétique, ça. Puis c'est un poste important. Tant qu'à ça, prends un jeune puis monte-le. Mais c'est parce que ce qui est épeurant là-dedans, c'est qu'on le sait tous, on sait tous que la Ligue canadienne et la Ligue américaine, c'est pas le même football. Ben non, c'est ça. Je pense, à mon humble avis, là, je crois que c'est plus simple pour un coordinateur offensif de s'ajuster à la Ligue canadienne parce que tu rajoutes des éléments positifs pour ton attaque. Les joueurs ont des élans. Tu peux faire le nombre de motions que tu veux. Ouais. Tu as un joueur de plus pour amener un concept, attaquer une zone différente, attaquer une position différente. Donc, offensivement, je crois qu'un coordinateur américain, là, tu sais, qui arrive de la Ligue américaine, a peut-être plus de facilité à s'intégrer à la Ligue canadienne. Tandis que pour un coordinateur défensif, c'est un autre game, là, parce que là, t'étais limité, les attaques étaient limitées pour ce qu'ils pouvaient faire contre ta défense. Là, je viens de tout dénommer, là, l'émotion, le joueur de plus, etc. Donc, tu peux pas juste dire, OK, on va mettre en man-to-man le joueur extra, puis tout le reste, je vais faire une défensive américaine, là, tu sais. Il y a tellement d'autres impondérables qui s'ajoutent, puis variantes qui s'ajoutent au schéma offensif que ça devient difficile. Ben là, on vient de mettre un coordinateur défensif. Si on a un coordinateur défensif qui prend la Ligue au sérieux et qui a étudié la Ligue, ça peut marcher. Ouais, mais ça part pas de suite. S'il croit arriver puis juste jouer son système puis en éliminant un joueur, puis en jouant du 11 contre 11, puis en disant le 12e joueur, c'est souvent ça que j'ai vu, là, stratégiquement, là, des coordinateurs défensifs américains disaient on lock un gars, là, tu sais, on met un gars en homme à homme, puis le reste, on joue le système à 11. Ben, ça l'aura. On va voir rapidement l'insuccès du joueur. Deux choses que je veux te parler, Pascal, là-dessus. Ce que tu dis là, c'est vrai, coordinateur offensif, mais je me rappelle très bien d'avoir parlé l'année passée avec toi sur l'arrivée de Menzel, puis tu disais que ça prenait un carrière américain à être à l'aise dans un système de football canadien, c'est un an. Si c'est vrai pour un carrière, c'est vrai pour un coordinateur offensif, c'est-tu vrai? Je te dirais que c'est plus vrai pour un carrière qu'un coordonnateur. Okay. Parce que le coordonnateur, lui, il dessine, il est sur papier. C'est plus simple pour un coordonnateur de dire, regarde, ta lecture, là, c'est ça, ouais, c'est ça, sûr ça. C'est ça, ça, ça. L'autre, là, il faut qu'il l'analyse, il faut que son temps de réaction soit là. Ouais. Donc c'est plus simple pour un coordonnateur qu'un carrière. OK. Mais je comparais coordonnateur offensif et coordonnateur offensif. Je comparais les deux coordonnateurs et non, genre, coordonnateur joueur, c'est pas la même affaire. OK. Et deuxième affaire, s'il serait si bon que ça, il y a tellement d'équipes au football américain, il aurait été dans l'NCA, il aurait été quelque part. Ouais, des fois, par contre, il y a des entraîneurs. Ouais. Tu sais, moi, mon premier entraîneur que j'ai eu dans la Ligue canadienne, qui s'appelait Dennis Crean, là, c'était le coordinateur défensif de Rutgers, l'Université de Rutgers, puis il est venu coordinateur défensif avec les Stampeders de Calgary dans mes années en 2004, parce qu'il voulait coacher des joueurs professionnels. La réalité universitaire et la réalité professionnelle n'est pas la même, parce que universitaire, tu peux pas faire des échanges, tu peux pas couper des joueurs, ramener un autre, aller en chercher. C'est pas la même la même dynamique. Fait que ça se peut qu'un coordinateur ou un coach décide de faire le saut dans la Ligue professionnelle, même si t'as la Ligue canadienne. Sauf qu'en même temps, c'est pas fou, là. S'il était si bon, il y aurait eu des offres sur la table. Là. Ben oui, c'est sûr. Pascal, toujours intéressant de te parler. On va se parler comme on le faisait toutes les semaines, quand la saison va commencer, quand l'entraînement va commencer, en espérant que c'est peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je pense pas, mais ben certainement que... En tout cas, on verra bien. On verra bien. Pascal Masson, un gros merci. Un plaisir. Pascal.